Mais je demande, c'est quoi ça? C'est une sculpture. Ah bon? C'est quoi ça? C'est ce truc là, les petits bouts là. Colonnes. Les colonnes, oui. Elles sont en blanc et noir. Elles sont grandes, des petits. Merci. Au revoir.